Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'espéranto, le rêve d'une langue internationale apolitique. L'espéranto ne vise absolument pas à remplacer les langues et les cultures nationales. C'est le contraire qui est vrai. C'est que l'espéranto est conçu comme quelque chose qui vise justement à protéger les cultures. Justement, en leur donnant cet outil qui permet de mettre un petit peu tout le monde sur le même terrain, de faire chacun un pas vers l'autre, sans utiliser nécessairement la langue de cet autre, ce qui cause un biais. Tout est dit dans cet extrait. Le président de la Société québécoise d'espéranto, Nicolas Viaud, de passage à l'émission 2460 en août 2019, y résume parfaitement la vision que partagent en fait les adeptes de l'espéranto. Le grand rêve espérantiste consiste à dépolitiser la langue et à lui enlever toute forme de domination ou de rapport de force. L'espéranto se veut un simple et pur outil de communication entre les peuples, une langue neutre qui permet à chacun de communiquer d'égal à égal. Il a fait une langue qui est immensément respectueuse pour le cerveau humain et pour l'intelligence humaine, qui fait pas tant appel à la mémoire. Tu sais, si un anglophone veut apprendre à parler français, il s'intéresse aux chevaux, par exemple, il doit apprendre le mot cheval, jument, poulain, écurie, palefrenier, forgeron, c'est constamment des mots nouveaux. Alors, ça demande une mémoire incroyable hein, pour apprendre le français, parce qu'il n'y a pas de lien entre les mots. Il y a quelques mots de même famille. Bon, poulain, pouliche, tu peux t'en rappeler, là, mais... Alors, en espéranto, il a voulu beaucoup, beaucoup simplifier ça et que ce soit l'intelligence qui te permette de parler. Sur la chanson « La vie en rose » interprétée en espéranto par Joël Rabu, vous entendiez Daniel, une adepte de l'espéranto, dans un reportage de Mohamed Lotfi à l'émission Macadam Tribu, diffusée en 1997. Pour nous raconter l'histoire de l'espéranto et du rêve espérantiste, je reçois Normand Fleury. Il est fondateur et membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'espéranto. Normand Fleury, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord, M. Fleury, de votre propre lien avec l'espéranto. Comment êtes-vous tombé dedans? Comment en êtes-vous venu vous-même à vous intéresser et à découvrir l'espéranto? Bien, j'ai fait des études en horticulture et en paysagisme à Ottawa. Et par la suite, on m'a invité à aller à un stage en France pour me perfectionner. Et j'habitais dans une résidence pour jeunes travailleurs. Et le soir, on offrait différents cours, du théâtre, une chorale et des cours d'espéranto. À l'époque, je parlais bien le français, donc l'anglais et l'espagnol. Mais je me suis dit, pour découvrir toute l'Europe, j'ai besoin de cette langue-là. Et c'est comme ça que je l'ai apprise. Et dès 1980, j'ai participé, donc l'année suivante, au congrès jeunesse qui a lieu à chaque année. Et c'était en Finlande. Et là, j'étais fascinée de pouvoir parler après juste quelques mois d'apprentissage, donc avec 300 jeunes venus d'un peu partout à travers le monde, et même avec des Russes, c'était la première fois que je voyais des Russes pour vrai. Oui. Et j'ai rencontré une jeune Croate. Par la suite, j'ai fait des stages en Norvège, en Italie. En fait, je suis restée 3 ans en Europe en utilisant l'espéranto, en voyageant. Et je me suis mariée à Zagreb, en Croatie. Notre langue familiale, de tous les jours, c'est l'espéranto depuis ce moment-là. Et on a eu 2 enfants et nous avons décidé que la langue familiale serait l'espéranto, la langue maternelle, le croate, et la langue paternelle, c'est le français. Donc, nos enfants sont trilingues depuis la naissance. On reviendra sur l'apprentissage, parce que vous écoutez, on a l'impression, puis c'est souvent une impression qu'on a quand on parle de l'espéranto, que c'est une langue assez facile à apprendre. On reviendra là-dessus dans quelques minutes, mais commençons par le commencement, en parlant un petit peu des origines de cette langue-là et de ce rêve-là. Le père de l'espéranto, bon, on peut le dire, c'est un Polonais, il s'agit de Ludwig Louis Zamenhof. On écoute Tamara Kozej, qui est enseignante d'espéranto, parler du rêve de Zamenhof au micro de José Bourassa, l'émission « C'est ici que ça se passe », présentée à l'antenne d'ici Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2001. L'espéranto, c'est une langue qui est issue d'un rêve d'enfance d'une personne qui qui vécu dans un milieu multiethnique où il y avait beaucoup d'haine entre les gens, entre les peuples. Il y avait 5 nations qui habitaient la ville Bialystok. Qui Et est tout présentement... autant de langues, c'est ça. Et aussi, voilà. Hein, alors lui, comme jeune enfant, déjà en jouant dans la cour, il a vu que les gens se chicanent, ne se comprennent pas, et il y a beaucoup d'animosité. Et dans sa tête d'enfant, il a pensé, c'est vraiment très, très idéaliste, hein, il a pensé que si je propose une langue qui va être apprise par tout le monde, voilà, ça va être la paix sur la terre. Alors, c'était l'idée, qu'est-ce qu'on appelle l'idée interne d'Espéranto. Il a déjà créé à l'âge de 18 ou 19 ans, il a fait, moi je considère que c'était vraiment un génie, parce qu'à l'époque où l'ordinateur n'existait pas encore, il a fait un travail de très, très minutieux, de comparaison des racines, des mots dans plusieurs langues européennes, bien sûr. Et par la suite, il a essayé de choisir toujours les racines les plus communes, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Et c'est ça qui permet aux gens de plusieurs cultures présentement, de plusieurs nations, de se retrouver facilement. Alors, parlez-nous un petit peu de ce contexte qui pousse Zamenhof à créer l'espéranto, Normand Fleury. Qui est-il, en quelques mots d'abord, Louis Zamenhof, et dans quel contexte crée-t-il cette langue, l'espéranto? Alors, comme l'a mentionné Tamara Kozai, c'est ce qui est fascinant avec les débuts de l'espéranto. C'est pas l'idée d'un académicien, d'une personne connue, mais non, d'un jeune de 19 ans, vous imaginez, qui était très attristé par les conflits, parce que la petite ville où il est né, donc Bialystok, qui faisait partie de l'Empire russe, mais qui est maintenant la Pologne, mais il y avait 4 groupes ethniques importants, donc les Russes, les Allemands, les Polonais et les Juifs. Et c'est ce qu'il s'est dit, mais si j'arrive à créer une langue pour que les gens puissent se comprendre, donc dès 1878, donc en tant que jeune adulte, il a créé cette langue-là. Mais par la suite, son père l'a envoyé étudier à Moscou la médecine. Et son père avait très peur de la censure russe. Il avait très peur qu'on le prenne pour un espion. Donc son père a tout détruit. Et quand il est revenu, donc, après ses études, il a fallu qu'il recommence complètement son projet. Mais ce rêve-là, il le porte toujours en lui, ce qui fait qu'en 1887, il va, au fond, poser les grandes règles, règles grammaticales, entre autres, de l'espéranto. C'est à ce moment-là qu'il publie les principaux rudiments de la langue. À quoi ça ressemble, cette langue-là? Ben, en fait, Zamenhof, comme le mentionnait Tamara, c'était un génie au niveau des langues. Donc, il est devenu linguiste par lui-même, il est devenu polyglotte, parce qu'il a étudié lui-même le latin pour la médecine aussi, parce qu'il faut se rappeler de l'époque que le latin déclinait, mais il était quand même d'usage à la science. C'était le français qui était la langue de la noblesse. Donc, il a étudié, même la cour de Russie utilisait le français en Angleterre. Donc, le français, il a étudié le français, l'allemand, l'anglais, le polonais, le russe. Donc, il avait une base de vraiment différentes langues latines, germaniques, slaves aussi. Donc, à partir de ça, il a formé une langue. Mais il ne faut pas penser que l'espéranto, c'est un mélange de mots. Il a pris les racines principalement du latin. Donc, quand il voyait que la racine était commune à plusieurs langues, et il s'est servi de ça, donc, pour créer l'espéranto. Donc, en puisant à des racines communes, on se dit qu'on va faciliter la tâche au plus grand nombre. C'est un peu ça. Exactement. Parce qu'il faut dire que c'est vraiment une langue qui a été planifiée. Parce qu'il y a eu beaucoup de projets de langue. On pourrait parler d'une multitude. Mais souvent, c'était des langues, des codes. Les mots n'étaient pas puisés dans un vocabulaire international. Donc, dans l'espéranto, on a puisé des racines, mais on a changé, on a fait que toutes les terminaisons des verbes, des mots sont réguliers. Ouais. Tolstoï disait qu'il avait mis seulement 2 heures à apprendre à lire l'espéranto. Est-ce que c'est si facile que ça d'apprendre et de parler espéranto, M. Fleury? Ça dépend toujours de la capacité de chaque personne. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui naissent, ils touchent à des instruments de musique et ça y est, ils deviennent musiciens. Il y en a qui ont une facilité. Et il y en a la même chose pour les langues. Donc, il y a des gens, moi je pense à ma mère, elle a passé ses hivers en Floride, elle étudiait l'anglais, elle n'a jamais réussi. Il y a des gens qui ont plus d'études, donc c'est variant. Mais dans le cas de l'espéranto, c'est une langue planifiée. C'est une langue qui avait comme but de donner une langue qui est accessible sans avoir à passer des centaines, voire des milliers d'heures à apprendre avec une phonétique régulière. La conjugaison en français, c'est presque un cauchemar. Il y a tellement de terminaisons, de verbes irréguliers, alors qu'en espéranto, c'est 16 terminaisons. En moins d'une heure, on sait conjuguer tous les verbes. Bon, revenons un petit peu à l'histoire de cette langue-là, le chemin que va prendre cette histoire-là. En 1887, donc, les fondements, les rudiments qui sont couchés, posés par Zamenhof. 1905, c'est une année importante. C'est cette année-là qu'a lieu le premier congrès mondial d'espéranto. Ça a lieu à Boulogne-sur-Mer. Pourquoi ce congrès-là est-il si important? Bien, vous vous imaginez l'euphorie des gens. Il y a eu 688 participants de 20 pays. Ça fait moins de 20 ans que l'espéranto a été créé. Et au départ, il y a une seule personne. Zamenhof fait un petit livret pour l'apprendre avec un petit lexique en 5 langues, en français, en anglais, en allemand, en russe, en polonais. Et il diffuse ça à travers l'Europe, espérant que les médecins l'étudient pour que les médecins puissent remplacer le latin, puissent se comprendre. Et c'est des gens d'un peu partout. L'espéranto se rend jusqu'au Japon, en Amérique, partout. Alors, vous imaginez que les gens ne l'avaient jamais parlé. Ils se retrouvent durant un congrès. C'est des longs voyages. Il faut venir en train à vapeur à travers l'Europe, en bateau à partir d'Amérique, vous imaginez. Il y a même quelques Canadiens qui vont être présents. Mais tout ça pour dire que là, ils voient que ça fonctionne. La langue permet de s'exprimer. Alors, ça va tout de suite créer une dynamique, de créer une association mondiale de l'espéranto, une académie de l'espéranto quelques années plus tard. Et c'est vraiment là, le vent souffle en faveur de cette langue-là. Oui. Mais il y aura cette Première Guerre mondiale, la Grande Guerre de 14-18, qui, elle, va freiner cet élan-là. De quelle manière? Vous imaginez, des espérantistes, il y en a partout, dans toutes les grandes villes d'Europe et à l'extérieur de l'Europe aussi. C'est vraiment le rêve que les gens peuvent se comprendre, donc il va y avoir la paix sur Terre. Mais non. Le début de la Grande Guerre et, malheureusement, des espérantistes qui vivent dans des pays voisins doivent même s'enrôler dans l'armée et se battre un contre les autres. C'est vraiment, c'est déchirant. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que le rêve d'apporter la paix grâce à l'espéranto, ben c'est pas atteint. Ouais. Mais c'est important ce que vous dites parce qu'au fond, oui, il y a le projet d'une langue nouvelle, mais le point de départ, puis on le voyait au tout début de l'émission, là, puis quand une guerre comme celle de 14-18 arrive, ça ébranle les adeptes de l'espéranto qui veulent pas juste apprendre une nouvelle langue, mais qui veulent apprendre cette nouvelle langue parce qu'ils croient à la nécessité d'un contexte de paix, de relations harmonieuses entre les peuples. Et une des façons d'y arriver pour eux, c'est qu'on crée une langue neutre et apolitique. C'est ça le projet et le rêve. Exactement. Et parallèlement, il y a la création de la Société des Nations, qui est l'ancêtre donc des Nations Unies. Alors donc, les espérantistes vont être très actifs au niveau de la Société des Nations aussi, et même plusieurs pays vont proposer à la Société des Nations qui décide d'utiliser le français et l'anglais, d'adopter aussi, d'utiliser donc l'espéranto. Oui, après la guerre, évidemment, la création de la Société des Nations. À partir des années 30, évidemment, on sait ce qui se passe en Europe. C'est la montée de certains régimes totalitaires en Allemagne, en URSS. Ça aussi, ça a un effet sur le mouvement espérantiste Normand Fleury. Oui. Pourquoi? C'est parce que du côté de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest, donc on constate que souvent les espérantistes qui veulent sont socialistes, peut-être communistes, donc on craint qu'ils sont trop, ils essaient trop de faire des liens avec l'Europe de l'Est. Et au contraire, donc dans l'Europe de l'Est, on craint que ceux qui parlent espéranto deviennent des espions potentiels pour l'Occident. Alors vous voyez que la dynamique est différente, mais c'est une dynamique des deux côtés qui est souvent défavorable à l'espéranto. On va même infiltrer le mouvement espérantiste, donc vraiment là, pour contrôler qu'est-ce qui se dit. Parce qu'on n'aime pas l'idée qu'il y ait une libre communication entre des gens ordinaires là, dans la société. Et ce qui fait qu'on va... Il y aura une forme de, on peut le dire, de persécution. Certains espérantistes sont enfermés parce que partageant ce rêve autour de l'espéranto. Définitivement, et surtout durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, il faut le nazisme, on parle beaucoup de la persécution des Juifs, mais les espérantistes, c'est la même chose. On considérait que l'espéranto, c'était une nouvelle langue juive, donc qui était pour dominer l'humanité. Alors, on a pourchassé aussi donc les nazis, les espérantistes, et ils ont été tués. Mais, et aussi les autres, Franco, Mussolini, mais ça, c'est dans toute jusqu'en Espagne, en Italie. Donc, il fallait se cacher souvent quand on parlait l'espéranto. Alors, c'est pas ce qui est... On apprend une langue en espérant créer des amitiés internationales pour la paix, et c'est le contraire, c'est dangereux pour sa propre vie. Alors, imaginez le recul qu'il y a eu après aussi et durant la Deuxième Guerre. Oui. Même la France va être assez méfiante face à l'espéranto. Oui, parce que le français a un statut, il est de bon ton de parler français en Europe, donc dans l'élite. Alors, vous imaginez quand la Société des Nations propose qu'on enseigne, qu'on démocratise, donc, l'étude de l'espéranto à travers l'Europe, ben la France va opposer un veto ferme et donc ça va être rejeté, malgré qu'il y a des pays qui le proposent, donc ça va être rejeté. Oui. Langue, en fait, c'est la concurrence qu'on craint. Le français qui, à cette époque-là, un statut de langue internationale, craint la compétition pour refaire cette nouvelle langue internationale qui est en essor, l'espéranto. Exactement. Ouais. La guerre froide, on ne peut pas ne pas parler de cette guerre froide parce que la guerre froide, c'est, pour faire court, c'est aussi l'affirmation de la puissance américaine qui va faire contrepoids au bloc soviétique, et c'est aussi donc l'imposition de l'anglais comme, dans une bonne partie du monde, en tout cas comme nouvelle langue universelle, comme nouvelle langue commune. Au fond, Normand Fleury, est-ce que l'anglais n'est pas devenu de facto cette langue universelle que voulait être l'espéranto et d'une certaine manière le plus grand ennemi du rêve espérantiste? En fait, c'est la solution actuelle au problème de communication mondiale, parce que l'humanité commerce a besoin d'avoir une langue de communication. Mais les espérantistes considèrent encore que cette solution-là n'est pas équitable, parce qu'elle favorise économiquement, culturellement, et à plusieurs autres égards, donc les anglophones de naissance. Vous imaginez que pour tous ceux qui ne sont pas anglophones à la naissance, on doit passer des centaines, voire des milliers d'heures, parce que pour certains peuples, c'est très, très asiatique, les Japonais, les Chinois, c'est très difficile pour eux d'apprendre donc l'anglais. La phonétique est difficile, toute la grammaire. Donc, c'est pas, nous, on considère que ce n'est pas équitable comme solution. Alors, c'est pour ça qu'on continue de prôner. Parce qu'il faut comprendre que l'idée de l'espéranto, ce n'est pas de remplacer les langues nationales, que chacun conserve sa langue, mais que l'humanité, que les gens utilisent une langue qui soit aussi neutre politiquement. Parce qu'en ce moment, quand vous voyagez avec l'anglais ou avec même le français, dans certains pays africains, dans certains pays... ou ailleurs, bien vous êtes, même on peut aller au Mexique avec l'anglais, mais vous avez tout de suite une étiquette de personne riche, de personne, vous avez tout de suite, alors qu'avec l'espéranto, lorsqu'on voyage, on n'est pas étiqueté politiquement, économiquement. Oui. Bien, parlons justement des percées que réussit à faire ou pas l'espéranto, du degré de reconnaissance de l'espéranto dans le monde, dans les institutions internationales. Quels sont les pays, Normand Fleury, qui, par exemple, qui comptent le plus grand nombre d'adeptes de l'espéranto, quel genre de reconnaissance a cette langue-là actuellement dans le monde? Oui, bien, en fait... l'espéranto est accepté dans de nombreuses universités. Il y en a même eu plusieurs au Canada dans les années 70-80, mais avec les coupures puis avec la demande, il y a eu des changements. On parle de plus de 69 universités dans 24 pays qui ont des programmes d'études reconnus, dont la Hongrie. On doit apprendre trois langues pour obtenir un diplôme universitaire en Hongrie, donc, dont le hongrois, mais deux autres langues, et souvent c'est l'espéranto qui est choisi. Mais tout ça pour dire que même l'UNESCO a reconnu à plusieurs reprises donc, la valeur de l'espéranto en 1954, entre autres, il a recommandé l'enseignement et l'utilisation de l'espéranto aux pays membres. Oui. parce que ça permet des échanges culturels. Et de nouveau, en 85, avant le centenaire de l'espéranto, donc en 1987, il y a eu une autre conférence de l'UNESCO à Sofia qui a recommandé l'utilisation de l'espéranto et l'usage, mais à chaque pays de l'introduire donc dans son système d'éducation. Oui. On va terminer cette émission en parlant de l'espéranto au Canada. Et pour nous donner un petit avant-goût de ce qui nous attend, on écoute un extrait de l'émission « L'été du monde » du 15 juillet 2008. Quelques 200 personnes d'un peu partout à travers le monde sont réunies à Montréal pour participer au 7e congrès d'espéranto des Amériques. Aujourd'hui, il y a des gens de tous les horizons et de toutes les classes sociales qui parlent espéranto. Il y a même un parti politique européen qui prône son adoption comme langue commune de l'Union européenne. Marc Véro revient d'une brève immersion dans l'univers de l'espéranto. Tio estas via, kaj verite vastiun sakon. Vous n'avez rien compris? Eh bien, rassurez-vous, moi non plus. Jennifer arrive d'Ottawa et elle vient de mettre les pieds dans un pavillon de l'Université du Québec à Montréal, où se tient le 7e congrès d'Espéranto des Amériques. I took French for 12 years in school. I lived in Quebec until I was 16. Took French, didn't understand it. And I found Esperanto so much easier to comprehend. Bien qu'elle a vécu plusieurs années à Montréal, Jennifer n'a jamais appris le français trop difficile, alors que l'espéranto lui est venu facilement. Selon elle, l'espéranto serait la langue universelle par excellence. Alors, en 2008, c'est le Canada, donc, on vient de l'entendre, qui a accueilli le Congrès d'Espéranto des Amériques. Quel genre d'écho de fait a eu l'espéranto chez nous, Normand Fleury? On pourrait en parler longtemps, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est un prêtre, Xavier Solis, donc un prêtre qui a pris sa retraite à Saint-Hyacinthe, donc au Grand Séminaire, en 1892, qui a entendu parler de l'espéranto, qui l'a introduit en Amérique, au Canada, je veux dire. Et il a enseigné à une personne de grande importance, c'est Albert Saint-Martin. Albert Saint-Martin, il y a même un parc qui est dédié à son honneur à Montréal. C'était un militant ouvrier socialiste. Il a même fondé une université ouvrière. Donc, il était très engagé dans l'égalité entre les gens, les classes sociales, tout ça. Et il a même participé avec un sténographe de la cour de Montréal, donc dénommé Beauchemin, au premier congrès en 1905. Donc, il a été en bateau là-bas. Et il a fondé par la suite, il y a eu l'Association canadienne d'espéranto en 1907, par la suite qui a été fondée. Donc, il y a eu déjà, l'espéranto s'est développé très, très rapidement, donc, au Canada. Ouais. Et aujourd'hui, il en est où, ce rêve, ici, mais ailleurs également, ce rêve de l'espéranto? Quel avenir on peut lui prédire? Bien, en fait, ce qui donne vraiment un nouveau souffle à l'espéranto, c'est l'Internet. L'Internet permet d'être chez soi et d'avoir accès à une littérature. Il y a beaucoup, il y a des milliers d'ouvrages traduits. On a en espéranto en ce moment aussi bien des classiques comme Shakespeare, comme La Fontaine, ou bien des bandes dessinées pour les enfants comme Astérix, Gaston Lagaffe et Tintin. Alors, il y a de tout. Et il y a des chanteurs, il y a du rap en espéranto. Alors, nous, on considère que l'espéranto a réussi non seulement à offrir une langue, mais qui est maintenant une communauté qui a sa propre culture, culture qui puise dans les cultures nationales, mais qui est aussi une culture internationale. Normand Fleury, fondateur et membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'espéranto, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La plaisir estas mia. Merci beaucoup, M. Fleury. Le plaisir est pour moi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.